du bon fromage au lait. Qui va du pays de celui qui l'a fait? Seul qui l'a fait, c'est un Bergenard. Oh là là, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Qui va du pays de celui qui l'a fait? On se rassemble pour boire un coup et manger un morceau. Qui nous rassemble, c'est le carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont des fameux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont des fameux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Thank you.